après Shane Gauthier l'an dernier, Dolbo Mistassini a un deuxième joueur repêché par une formation de la Ligue canadienne de football. Alexandre Gagnon a été repêché par les Stampeders de Calgary récemment. Et tout le personnel et la direction de Dolbo Auto est très heureux et félicite Alexandre. Un bel exemple de ténacité et détermination pour notre jeunesse. Notre département des ventes vous invite à venir voir nos différents modèles, Sierra et Silverado, à partir de 10 500 $. Dolbo Auto, 1770 Boulevard Wahlberg à Dolbo Mistassini, 418-276-0580. Avec notre ami, on sait qu'Alexandre Gagnon est au camp des Stampeders de Calgary, ça semble aller très très bien. Dans la semaine passée, on a parlé à Marc-Éric Bouchard qui couvre les activités des Stamps pour Radio-Canada à Calgary. Et il mentionnait que ça allait bien. T'es impressionné par Alexandre Gagnon, quoi qu'il en soit, on lui parle. Salut Alexandre! Salut Dan. Alexandre, comment ça va au camp d'entraînement? Je sais que moi j'ai eu des rapports de Calgary, on me disait que ça allait super bien, qu'il était impressionné par le fait que tu écoutais les consignes, que tu voulais apprendre. Est-ce que c'est ça également que ton impression dégage? Oui, écoute, ça va bien. C'est sûr que c'est les professionnels, c'est vraiment une grosse coche comparé au football universitaire québécois. Mais j'étudie mon cahier de jeu, je fais ce que les coachs me demandent, donc honnêtement, je pense que ça va bien. OK. L'anglais, parce que souvent quand on est dans l'Ouest, Marc-Éric Bouchard me disait qu'il demandait ça aux Québécois qui arrivent dans l'Ouest, que tu te débrouilles-tu quand même pas mal en anglais, assez pour comprendre les cahiers de jeu, ainsi de suite? Oui, écoute, je me considère comme très, très à l'aise en anglais. J'ai un peu plus de difficultés, par contre, avec les Américains qui viennent du Sud, qui ont un très, très fort accent. OK. Mais j'ai aucun problème pour communiquer, pour parler, pour écouter. Puis pour le cahier de jeu, écoute, du football, c'est du football, même si on est au Québec. La 90% de nos cahiers de jeu québécois sont en anglais aussi, les termes sont tous les mêmes, donc pour ce qui est du football, j'ai vraiment aucun problème ni avec les joueurs. OK. Alexandre, si on parlait un peu de la différence, qu'est-ce que tu as dit, c'est très différent. Qu'est-ce que tu trouves le plus différent? J'imagine la grosseur des joueurs, la vitesse d'exécution, c'est quoi en fait? Le plus flagrant, c'est vraiment la vitesse. OK. Les joueurs sont vraiment tous rapides. Même les joueurs de ligne offensive, qui sont des gros bonhommes, sont super rapides. C'est sûr que pour la grosseur, les joueurs de ligne offensive sont gros, mais écoute, je suis habitué de jouer contre l'Université de Montréal, l'Université Laval, qui sont connus pour avoir des plus grosses lignes dans le football canadien. Donc, je suis pas trop impressionné. En fait, ça me donne un avantage parce que sur la ligne, pour avoir, on appelle ça le leverage. Il faut que tu sois plus bas que ton adversaire pour gagner la bataille de la force. Okay. Là, je me ramasse avec des gars qui sont grands comme moi. Fait que j'ai plus de facilité à avoir un bon leverage, comme on dit, parce que les gars sont grands, contrairement à quand je joue au Québec. Donc, OK. J'aime bien ça, avoir des gros bonhommes. Ben oui. Est-ce que ton physique, parce qu'on a souvent fait état de ton physique, d'ailleurs, si t'as été repêché, tu dois vraiment là, à ton physique. Fait que, est-ce que ton physique, ça paraît vraiment, d'un cas comme ça? Tu sens-tu vraiment que c'est ça que les gens regardent? Ben, je te dirais que sur la ligne défensive, c'est moi le plus petit. En termes de grosseur. OK, oui. Je suis vraiment entre 40 et 50 livres en moyenne, plus petit que les autres. Puis en plus, je suis grand, donc je suis vraiment léger. Mais justement, ma grandeur me permet de compenser avec la longueur de mes bras. Je peux me servir de ça comme arme pour garder les joueurs de ligne plus loin de moi, pour se séparer, pour créer une distance. Donc, je suis vraiment plus petit. Les gars sont gros. Les joueurs de ligne défensive sont vraiment gros. Mais justement, moi, mes bras me permettent d'avoir un outil que eux n'ont pas, pour compenser pour ma grosseur. OK. J'imagine, c'est ça que tu as peut-être pas travaillé, mais on avait dit que tu avais... un de mes collaborateurs me disait que tu avais t'étais grand. Par contre, il fallait peut-être ajouter du muscle à ta charpente. C'est un peu ça? Ouais, ça, c'est ça. Ça a toujours été une faiblesse chez moi. Même universitaire, je pense. Personnellement, okay. Je me trouve pas assez gros. Okay. Mais je suis rapide, j'ai des longs bras. J'ai toujours été capable de quand même performer avec ce que j'avais parce que je travaille fort, puis je travaille avec mes forces au lieu de me concentrer sur mes faiblesses. OK. Alexandre, ça paraît-tu vraiment que tu es avec les Stampeders de Calgary? C'est une des bonnes organisations de la Ligue canadienne. Est-ce que tu sens vraiment que tu es bien traité là-bas à Calgary? Oui, ouais, c'est vraiment incroyable. Toute l'attention, toutes les choses qu'ils font pour nous. Puis on a des joueurs qui ont été signés. On a un joueur de ligne défensive qui est arrivé avec nous cette semaine qui a été coupé par les Alouettes. Oui, Jeff Parrott. Jeff Parrott, oui. Il nous en parle. Il dit, pour vrai, les gars, vous n'avez aucune idée parce que c'est la première fois que vous êtes là, mais vous êtes vraiment bien ici. Puis jusqu'à maintenant, j'ai rien à dire sur l'organisation ici. C'est vraiment une très belle organisation. C'est quoi tes journées? Ça ressemble à quoi? On se lève très tôt. Nos premières pratiques sont à 8h30. Okay. Une journée sur deux, on doit faire un gym, une musculation. Fait que moi, j'y vais avant. Fait que j'arrive à 6h le matin là-bas. Je fais mon entraînement, je déjeune, on a une pratique. Ensuite, dîner. Puis on a des meetings en début d'après-midi, des réunions. Puisqu'on fait la vidéo, on insère des nouveaux jeux, on fait toutes nos techniques. Puis à 4h, on saute sur le terrain pour un autre 2h30. Ensuite, souper, puis en soirée, on a encore des réunions. Okay. J'arrive ici à 9h30, 10h le soir, je me couche, puis on recommence. On n'a pas de journée de congé. Là. À chaque jour, on pratique, deux pratiques par jour. Ben oui. Fait que ça, c'est vraiment difficile physiquement, mais on a tous les outils pour prendre soin de nos corps. On a des bains de glace, des spas, des saunas, des physiothérapeutes. Donc, okay. C'est vraiment parce que dans le fond, le football, tu gagnes ta vie avec ton corps. Il faut vraiment qu'on prenne soin de nos corps. Surtout avec deux entraînements par jour, c'est très difficile. Ben oui, c'est sûr. La chaleur en plus de ça, là, la chaleur, c'est ainsi de l'année, c'est impressionnant. Hey Alexandre, l'adaptation à Calgary, Shane restait l'année passée dans une espèce de résidence en attendant d'être choisi ou d'être confirmé. Est-ce que ça m'a fait pour toi? Oui, on est logé aux résidences de l'Université de Calgary. Okay. En réalité, c'est comme un hôtel. Ils appellent ça Summer Residence. C'est géré comme un hôtel. Donc, à tous les deux jours, ils changent nos draps. On a des serviettes à tous, des nouvelles serviettes à chaque jour. On a des grands lits d'eau, on a des grandes chambres. On est vraiment bien. OK. Calgary, as-tu eu l'occasion de faire le tour de la ville? C'est une ville très intéressante, semble-t-il. J'imagine, mais honnêtement, non. Non, OK. J'ai fait même pas un kilomètre, là, qui en fait... Du stade jusqu'à ici, nos journées sont tellement remplies. Ouais. On a eu des petites 2 heures par ça, je pense deux fois, puis je venais ici, puis je me couchais. J'ai vraiment pas le temps de sortir. Okay. Dis-moi, demain, tu joues contre les Lions de la Colombie-Britannique. Est-ce qu'on a parlé de ton utilisation? Parce que c'est important demain, c'est un match crucial pour les recrues. Je dis pas que ça passe ou ça casse, mais je dirais que c'est. On va en dire long, parce que dans les Canadiens, il y a seulement 2 matchs en concours. Est-ce qu'on a parlé de ton utilisation de demain? Oui, pour ce qui est de la défensive, je sais que j'ai le 4e corps assuré. OK. Peut-être plus tôt si jamais il se passe toutes sortes de situations. Pour ce qui est des unités spéciales, dès le début de la partie, je vais jouer aussi toutes les unités spéciales. Ah, c'est bon ça. Sur certaines, je commence, sur d'autres, je joue plus tard. Il y a vraiment une grosse rotation qui se font parce qu'en fait, des joueurs canadiens comme moi, c'est vraiment sur les unités spéciales que ça se passe. Mm-hmm. Puis je suis vraiment chanceux parce que je vais vraiment avoir l'occasion de me prouver. Puis comment ça va, c'est une idée spéciale? Parce que tu me disais qu'à Sherbrooke, parce que la première entrevue que j'ai faite avec toi quand tu as été repêché, je te disais, Shane a rentré par là, puis ça a été son pain puis son beurre pour rentrer. Puis tu me disais, oui, mais à Sherbrooke, j'ai pas joué. Donc là, j'imagine qu'on t'a utilisé. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. En fait, même si j'ai jamais joué... J'ai toujours fait les exercices, les drills en pratique à Sherbrooke. Donc, tu sais, je partais pas de zéro. Okay. Puis on a eu vraiment beaucoup de temps qui a été mis pendant le camp d'entraînement ici pour travailler toutes les techniques pour ce qui est de peu importe que ce soit sur le kick-off return, sur le kick-off, sur punt return. On a vraiment tout travaillé. On a eu des pratiques que c'était pendant 2 heures. On faisait vraiment plein d'exercices là-dessus. Donc, je suis quand même assez en confiance. Puis mes qualités athlétiques, mon gabarit, ma vitesse me permettent de jouer là-dessus. Donc, c'est juste d'exécuter les techniques, d'exécuter ce que je dois faire, puis okay. Si tout va bien, ça devrait bien aller. Bon. Ben Alexandre, bravo, on va te souhaiter bonne chance pour demain soir. Mercredi, j'aimerais ça t'en parler pour le bulletin de sport local, comment ça a été. Parfait. Alexandre Gagnon de Dolbeau-Mistassini qui va jouer son premier match demain dans la Ligue canadienne de football.